Impressions de voyage d'Alexandre Dumas. Extrait du tome 1er. Exposition. Il n'y a pas de voyageur qui ne croit devoir rendre compte à ses lecteurs des motifs de son voyage. Je suis trop respectueux envers mes célèbres devanciers depuis M. de Bougainville qui fit le tour du monde jusqu'à M. de Maistre qui fit le tour de sa chambre pour ne pas suivre leur exemple. D'ailleurs, on trouvera dans mon exposition, si courte qu'elle soit, deux choses fort importantes qu'on chercherait vainement ailleurs. Une recette contre le choléra et une preuve de l'infaillibilité des journaux. Le 15 avril 1832, en revenant de conduire jusqu'à l'escalier, mes deux bons et célèbres amis, Litz et Boulanger, qui avaient passé la soirée à se prémunir avec moi contre le fléau régnant, en prenant force thé noir, je sentis que mes jambes me manquaient tout à coup. En même temps, un éblouissement me passa sur les yeux et un frisson dans la peau. Je me retins à une table pour ne pas tomber. J'avais le choléra. S'il était asiatique ou européen, épidémique ou contagieux, c'est ce que j'ignore complètement. Mais ce que je sais très bien, c'est que, sentant que 5 minutes plus tard, je ne pourrais plus parler, je me dépêchai de demander du sucre et de l'éther. Ma bonne, qui est une fille fort intelligente et qui m'avait vue quelquefois après mon dîner tremper un morceau de sucre dans du rhum, présuma que je lui demandais quelque chose de pareil. Elle remplit un verre à liqueur d'éther pur, posa sur son orifice le plus gros morceau de sucre qu'elle put trouver et me l'apporta au moment où je venais de me coucher, grelottant de tous mes membres. Comme je commençais à perdre la tête, j'étendis machinalement la main. Je sentis qu'on m'y mettait quelque chose. En même temps, j'entendis une voix qui me disait « Avalez cela, monsieur, cela vous fera du bien. » J'approchai ce quelque chose de ma bouche et j'avalai ce qu'il contenait, c'est-à-dire un demi-flacon d'éther. Dire la révolution qui se fit dans ma personne lorsque cette liqueur diabolique me traversa le torse est chose impossible, car presque aussitôt, je perdis connaissance. Une heure après, je revins à moi. J'étais roulé dans un grand tapis de fourrure. J'avais aux pieds une boule d'eau bouillante. Deux personnes, tenant chacune à la main une bassinoire pleine de feu, me frottaient sur toutes les coutures. Un instant, je me crus mort, et en enfer. Les terres me brûlaient la poitrine au-dedans, les frictions me rissolaient au-dehors. Enfin, au bout d'un quart d'heure, le froid s'avoua vaincu. Je fondis en eau, comme la biblice de M. Dupaty, et le médecin déclara que j'étais sauvé. Il était temps. 2 tours de broche de plus et j'étais rôti. 4 jours après, je vis s'asseoir au pied de mon lit le directeur de la Porte Saint-Martin. Son théâtre était plus malade encore que moi et le moribond appelait à son secours le convalescent. Monsieur Harel me dit qu'il lui fallait dans 15 jours au plus tard une pièce qui lui produisit 50 000 écus au moins. Il ajouta pour me déterminer que l'état de fièvre où je me trouvais était très favorable au travail d'imagination, vu l'exaltation cérébrale qui en était la conséquence. Cette raison me parut si concluante que je me mis aussitôt à l'œuvre. Je lui donnai sa pièce au bout de 8 jours au lieu de 15. Elle lui rapporta 100 000 écus au lieu de 50 000. Il est vrai que je faillis en devenir fou. Ce travail forcé ne me remit pas le moins du monde, et à peine pouvais-je tenir debout, tant j'étais faible encore, lorsque j'appris la mort du général Lamarque. Le lendemain, je fus nommé par la famille l'un des commissaires du convoi. Ma charge était de faire prendre à l'artillerie de la garde nationale dont je faisais partie la place que la hiérarchie militaire lui assignait au cortège. Tout Paris a vu passer ce convoi sublime d'ordre, de recueillement et de patriotisme. Qui changea cet ordre en désordre, ce recueillement en colère, ce patriotisme en rébellion? C'est ce que j'ignore ou veux ignorer jusqu'au jour où la royauté de Juillet rendra, comme celle de Charles IX, ses comptes à Dieu ou comme celle de Louis XVI, ses comptes aux hommes. Le 9 juin, je lus dans une feuille légitimiste que j'avais été pris les armes à la main à l'affaire du cloître Saint-Merry, jugé militairement pendant la nuit et fusillé à 3 heures du matin. La nouvelle avait un caractère si officiel, le récit de mon exécution, que, du reste, j'avais supporté avec le plus grand courage, était tellement détaillé, les renseignements venaient d'une si bonne source, que j'eus un instant de doute. D'ailleurs, la conviction du rédacteur était grande. Pour la première fois, il disait du bien de moi dans son journal. Il était donc évident qu'il me croyait mort. Je rejetai ma couverture, je sautai à bas de mon lit et je courus à ma glace pour me donner à moi-même des preuves de mon existence. Au même instant, la porte de ma chambre s'ouvrit et un commissionnaire entra, porteur d'une lettre de Charles Nodier conçue en ces termes. « Mon cher Alexandre, je lis à l'instant dans un journal que vous avez été fusillé hier à 3 heures du matin. Ayez la bonté de me faire savoir si cela vous empêchera de venir demain à l'Arsenal dîner avec Taylor. » Je fis dire à Charles que, pour ce qui était d'être mort ou vivant, je ne pouvais pas trop lui en répondre, attendu que moi-même, je n'avais pas encore d'opinion bien arrêtée sur ce point. Mais que, dans l'un ou l'autre cas, j'irais toujours le lendemain dîner avec lui, qu'il n'avait qu'à se tenir prêt, comme Don Juan a fêté la statue du commandeur. Le lendemain, il fut bien constaté que je n'étais pas mort. Cependant, je n'y avais pas gagné grand-chose, car j'étais toujours fort malade. Ce que voyant, mon médecin m'ordonna ce qu'un médecin ordonne lorsqu'il ne sait plus qu'ordonner. Un voyage en Suisse. En conséquent, le 21 juillet 1832, je partis de Paris. Fin de l'exposition d'Alexandre Dumas dans le premier tome de ses impressions de voyage. Alexandre Dumas, impression de voyage. Le beefsteak d'ours. J'arrivai à l'hôtel de la Poste à Martigny vers les 4 heures du soir. « Pardieu ! » dis-je au maître de la maison en posant mon bâton ferré dans l'angle de la cheminée et en ajustant mon chapeau de paille au bout de mon bâton. « Il y a une rude trotte de Bex ici. » « 6 petites lieues de pays, monsieur. »« Oui, qui en font 12 de France, à peu près. »« Et d'ici à Chamonix ?»« 9 lieues. »« Merci. »« Un guide demain à 6 heures du matin. »« Monsieur va à pied ?»« Toujours. » Et je vis que si mes jambes gagnaient quelque chose en considérant dans l'esprit de notre hôte, c'était certainement aux dépens de ma position sociale. « Monsieur est artiste ?» continua mon hôte. « À peu près. »« Monsieur dîne-t-il ?» Tous les jours et religieusement. En effet, comme les tables d'hôtes sont assez chères en Suisse et que chaque dîner coûte 4 francs, prix fait d'avance et sur lequel on ne peut rien rabattre, j'avais longtemps, dans mes projets d'économie, essayé de rattraper quelque chose sur cet article. Enfin, après de longues méditations, j'étais parvenu à trouver un terme moyen entre la rigidité scrupuleuse des hôteliers et le cri de ma conscience. C'était de ne me lever de table qu'après avoir mangé pour une valeur comparative de 6 francs. De cette manière, mon dîner ne me coûtait que 40 sous. Seulement, en me voyant acharné à l'œuvre et en m'entendant dire « Garçon, le second service !» l'hôte marmottait entre ses dents « Voilà un Anglais qui parle fort joliment le français !» Vous voyez que le maître de l'auberge de Martigny n'était pas doué de la science physionomique de son compatriote Lavater, puisqu'il osait me faire cette question au moins impertinente. « Monsieur, dîne-t-il ? » Lorsqu'il eut entendu ma réponse affirmative, « Monsieur est bien tombé aujourd'hui, » continua-t-il. « Nous avons encore de l'ours. »« Ah ah ! » fis-je, médiocrement flatté du rôti. « Est-ce que c'est bon, votre ours ?» L'hôtelier sourit en secouant la tête avec un mouvement de haut en bas qui pouvait se traduire ainsi. « Quand vous en aurez goûté, vous ne voudrez plus manger d'autre chose. »« Très bien, » continuai-je. « Et à quelle heure votre table d'hôte ?»« À 5h30. » Je tirai ma montre. Il n'était que 4h10. « C'est bon, » dis-je à part moi. « J'aurai le temps d'aller voir le vieux château. »« Monsieur veut-il quelqu'un pour le conduire et pour lui expliquer de quelle époque il est ?» me dit l'hôte, répondant à mon aparté. « Merci, je trouverai mon chemin tout seul. Quant à l'époque à laquelle remonte votre château, ce fut Pierre de Savoie, surnommé le Grand, qui, si je ne me trompe, le fit élever vers la fin du XIIe siècle. Monsieur sait notre histoire aussi bien que nous. » Je le remerciai pour l'intention, car il était évident qu'il croyait me faire un compliment. « Oh, reprit-il, c'est que notre pays a été fameux autrefois. Il avait un nom latin, il a soutenu de grandes guerres et il a servi de résidence à un empereur de Rome. » « Oui, repris-je en laissant, comme le professeur du bourgeois gentilhomme, tomber négligemment la science de mes lèvres. Oui, Martigny est l'Octodurum des Celtes et ses habitants actuels sont les descendants des Véragriens dont parlaient César, Pline, Strabon et Tite-Live, qui les appellent même demi-germains. 50 ans environ avant Jésus-Christ, Sergius Galba, lieutenant de César, y fut assiégé par les Sédounois. L'empereur Maximien y voulut faire sacrifier son armée au faux dieu, ce qui donna lieu au martyr de Saint-Maurice et de toute la légion thébéenne. Enfin, lorsque Pétronius, préfet du prétoire, fut chargé de diviser les Gaules en 7 provinces, il sépara le Valais de l'Italie et fit de votre ville la capitale des Alpes Pennines, qui devait former avec la Tarentaise la 7e province viennoise. N'est-ce pas cela, mon hôte ? Mon hôte était stupéfait d'admiration. Je vis que mon effet était produit. Je m'avançai vers la porte. Il se rangea contre le mur, le chapeau à la main, et je passai fièrement devant lui, fredonnant aussi faux que cela m'est possible. « Viens, gentille dame, viens, je t'attends. » Je n'avais pas descendu 10 marches que j'entendis mon homme crier à tue-tête au garçon. « Préparez pour monsieur le numéro 3 !» C'était la chambre où avait couché Marie-Louise lorsqu'elle passa à Martigny en 1829. Ainsi, mon pédantisme avait porté le fruit que j'en espérais. Il m'avait valu le meilleur lit de l'auberge et depuis que j'avais quitté Genève, les lits faisaient ma désolation. C'est qu'il faut vous dire que les lits suisses sont composés purement et simplement d'une paillasse et d'un sommier sur lequel on étend, en la décorant du titre de drap, une espèce de nappe si courte qu'elle ne peut ni se replier à l'extrémité inférieure sous le matelas, ni se rouler à l'extrémité supérieure autour du traversin, de sorte que les pieds ou la tête en peuvent jouir alternativement, il est vrai, mais jamais tous deux à la fois. Ajoutez à cela que de tous côtés, le crin sort roide et serré à travers la toile, ce qui produit sur la peau du voyageur le même effet à peu près que s'il était couché sur une immense brosse à tête. C'est donc bercé par l'espérance d'une bonne nuit que je fis dans la ville et dans les environs une tournée d'une heure et demie, espace de temps suffisant pour voir tout ce qu'offre de remarquable l'ancienne capitale des Alpes Pennines. Lorsque je rentrai, les voyageurs étaient à table. Je jetai un coup d'œil rapide et inquiet sur les convives. Toutes les chaises se touchaient et toutes étaient occupées. Je n'avais pas de place. Un frisson me courut par tout le corps. Je me retournai pour chercher mon hôte. Il était derrière moi. Je trouvai à sa figure une expression méphistophélique. Il souriait. « Et moi ?» lui dis-je. « Et moi, malheureux ?»« Tenez, » me dit-il, en m'indiquant du doigt une petite table à part. « Tenez, voici votre place. Un homme comme vous ne doit pas manger avec tous ces gens-là. »« Oh, le digne hôte du roi !» Et je l'avais soupçonné. C'est qu'elle était merveilleusement servie, ma petite table. Quatre plats formaient le premier service, et au milieu était un beefsteak d'une mine à faire honte à un beefsteak anglais. Mon hôte vit qu'il absorbait mon attention. Il se pencha mystérieusement à mon oreille. « Il n'y en aura pas de pareil pour tout le monde, » me dit-il. « Qu'est-ce que donc ce beefsteak ?»« Du filet d'ours, rien que cela !» J'aurais autant aimé qu'il me laissât croire que c'était du filet de bœuf. Je regardai machinalement ce mets si vanté qui me rappelait ces malheureuses bêtes que, tout petit, j'avais vues rugissantes et crottées avec une chaîne au nez et un homme au bout de la chaîne danser lourdement à cheval sur un bâton comme l'enfant de Virgile. J'entendais le bruit mat du tambour sur lequel l'homme frappait, le son aigu du flageolet dans lequel il soufflait. Et tout cela ne me donnait pas, pour la chair tant vantée que j'avais devant les yeux, une sympathie bien dévorante. J'avais pris le beefsteak sur mon assiette et j'avais senti, à la manière triomphante dont ma fourchette s'y était plantée, qu'il possédait au moins cette qualité qui devait rendre les moutons de Mademoiselle Scudéry si malheureux. Cependant, j'hésitais toujours, le tournant et retournant sur ses deux faces rissolées, lorsque mon hôte, qui me regardait sans rien comprendre à mon hésitation, me détermina par un dernier « Goûtez-moi cela, et vous m'en direz des nouvelles. » En effet, j'en coupai un morceau gros comme une olive et je l'imprégnai d'autant de beurre qu'il était capable d'en éponger. Et en écartant les lèvres, je le portai à mes dents, plutôt par mauvaise honte que dans l'espoir de vaincre ma répugnance. Mon hôte, debout derrière moi, suivait tous mes mouvements avec l'impatience bienveillante d'un homme qui se fait un bonheur de la surprise que l'on va éprouvé. La mienne fut grande, je l'avoue. Cependant, je n'osais tout à coup manifester mon opinion. Je craignais de m'être trompée. Je recoupai silencieusement un second morceau, du volume double à peu près du premier. Je lui fis prendre la même route avec les mêmes précautions et quand il fut avalé, « Comment ? C'est de l'ours ?» dis-je, de l'ours, vraiment, parole d'honneur, eh bien, c'est excellent. Au même instant, on appela à la grande table mon digne hôte, qui, rassuré par la certitude que j'allais faire honneur à son mets favori, me laissa en tête à tête avec mon beefsteak. Les trois quarts avaient déjà disparu lorsqu'il revint et reprenant la conversation où il l'avait interrompue. « C'est, me dit-il, que l'animal auquel vous avez affaire était une fameuse bête. » J'approuvai d'un signe de tête. « Pesant 320. Beau poids. Je ne perdais pas un coup de dent. Qu'on n'a pas eu sans peine, je vous en réponds. Je crois bien. Je portais mon dernier morceau à la bouche. Ce gaillard-là a mangé la moitié du chasseur qui l'a tué. Le morceau me sortit de la bouche comme repoussé par un ressort. Que le diable vous emporte, dis-je en me retournant de son côté, de faire de pareilles plaisanteries à un homme qui dîne. Je ne plaisante pas, monsieur. C'est vrai, comme je vous le dis. Je sentais mon estomac se retourner. C'était, continua mon hôte, un pauvre paysan du village de Fouly, nommé Guillaume Monat. L'ours, dont il ne reste plus que ce petit morceau que vous avez là sur votre assiette, venait toutes les nuits voler ses poires, car, à ces bêtes, tout est bon. Cependant, il s'adressait de préférence à un poirier chargé de crassane. Qui est-ce qui se douterait qu'un animal comme ça a les goûts de l'homme et qu'il ira choisir dans un verger justement les poires fondantes? Or, le paysan de Fouly préférait aussi par malheur les crassanes à tous les autres fruits. Il crut d'abord que c'était des enfants qui venaient faire du dégât dans son clos. Il prit en conséquence son fusil, le chargea avec du gros sel de cuisine et se mit à l'affût. Vers les 11 heures, un rugissement retentit dans la montagne. « Tiens, dit-il, il y a un ours dans les environs. » 10 minutes après, un second rugissement se fit entendre, mais si puissant, mais si rapproché, que Guillaume pensa qu'il n'aurait pas le temps de gagner sa maison et se jeta à plat ventre contre terre, n'ayant plus qu'une espérance, que c'était pour ses poires et non pour lui que l'ours venait. Effectivement, l'animal parut presque aussitôt au coin du verger, s'avança en ligne droite vers le poirier en question, passa à 10 pas de Guillaume, monta lestement sur l'arbre, dont les branches craquaient sous le poids de son corps, et se mit à y faire une consommation telle qu'il était évident que 2 visites pareilles rendraient la 3e inutile. Lorsqu'il fut rassasié, l'ours descendit lentement, comme s'il avait du regret d'en laisser, repassa près de notre chasseur, à qui le fusil chargé de sel ne pouvait pas être dans cette circonstance d'une grande utilité, et se retira tranquillement dans la montagne. Tout cela avait duré 1 heure à peu près, pendant laquelle le temps avait paru plus long à l'homme qu'à l'ours. Cependant, l'homme était un brave, et il avait dit tout bas, en voyant l'ours s'en aller, « C'est bon, va-t'en, mais ça ne se passera pas comme ça. Nous nous reverrons. » Le lendemain, un de ses voisins qui vint le visiter le trouva occupé, assillé, en lingots, les dents d'une fourche. « Qu'est-ce que tu fais donc là ?» lui dit-il. « Je m'amuse, » répondit Guillaume. Le voisin prit des morceaux de fer, les tourna et les retourna dans sa main en homme qui s'y connaît. Et après avoir réfléchi un instant, « Tiens, Guillaume, » dit-il, « si tu veux être franc, tu avoueras que ces petits chiffons de fer sont destinés à percer une peau plus dure que celle d'un chamois. »« Peut-être, » répondit Guillaume. « Tu sais que je suis bon enfant, » reprit François. C'était le nom du voisin. « Eh bien, si tu veux, à nous deux, l'ours. 2 hommes valent mieux qu'un. » « C'est selon, » dit Guillaume, et il continua de scier son 3e lingot. « Tiens, » continua François, « je te laisserai la peau à toi tout seul, et nous ne partagerons que la prime et la chair. Note. La prime. Le gouvernement accorde une prime de 80 francs par chaque ours tué. Fin de note. J'aime mieux tout, dit Guillaume. Mais tu ne peux pas m'empêcher de chercher la trace de l'ours dans la montagne. Et si je la trouve, de me mettre à l'affût sur son passage. Tu es libre. Et Guillaume, qui avait achevé de scier ses trois lingots, se mit en sifflant à mesurer une charge de poudre double de celle qu'on met ordinairement dans une carabine. Il paraît que tu prendras ton fusil de munitions, dit François. Un peu, trois lingots de fer sont plus sûrs qu'une balle de plomb. Cela gâte la peau, cela tue plus roide. Et quand comptes-tu faire la chasse? Je te dirai cela demain. Une dernière fois. Tu ne veux pas? Non. Je te préviens que je vais chercher la trace. Bien du plaisir. À nous deux, dis. Chacun pour soi. Adieu, Guillaume. Bonne chance, voisin. Et le voisin, en s'en allant, vit Guillaume mettre sa double charge de poudre dans son fusil de munitions, y glisser ses trois lingots et poser l'arme dans un coin de sa boutique. Le soir, en repassant devant la maison, il aperçut sur le banc qui était près de la porte Guillaume assis et fumant tranquillement sa pipe. Il vint à lui de nouveau. « Tiens, lui dit-il, je n'ai pas de rancune. J'ai trouvé la trace de notre bête. Ainsi, je n'ai plus besoin de toi. Cependant, je viens te proposer encore une fois de faire à nous deux. Chacun pour soi, dit Guillaume. C'est le voisin qui m'a raconté cela avant-hier, continua mon hôte. Et il me disait, concevez-vous, capitaine, car je suis capitaine dans la milice, concevez-vous ce pauvre Guillaume? Je le vois encore sur son banc, devant sa maison, les bras croisés, fumant sa pipe, comme je vous vois. Et quand je pense enfin... Après, dis-je, intéressé vivement par ce récit qui réveillait toutes mes sympathies de chasseur. Après, continua mon hôte, le voisin ne peut rien dire de ce que fit Guillaume dans la soirée. À 6h30, sa femme le vit prendre son fusil, rouler un sac de toile grise sous son bras et sortir. Elle n'osa lui demander où il allait, car Guillaume n'était pas homme à rendre des comptes à une femme. François, de son côté, avait véritablement trouvé la trace de l'ours. Il l'avait suivie jusqu'au moment où elle s'enfonçait dans le verger de Guillaume et, n'ayant pas le droit de se mettre à l'affût sur les terres de son voisin, il se plaça entre la forêt de sapins, qui est à mi-côte de la montagne, et le jardin de Guillaume. Comme la nuit était assez claire, il vit sortir celui-ci par sa porte de derrière. Guillaume s'avança jusqu'au pied d'un rocher grisâtre qui avait roulé de la montagne jusqu'au milieu de son clos et qui se trouvait à 20 pas tout au plus du poirier. S'y arrêta, regarda autour de lui si personne ne l'épiait, déroula son sac, entra dedans, ne laissant sortir par l'ouverture que sa tête et ses deux bras, et s'appuyant contre le roc, se confondit bientôt tellement avec la pierre par la couleur de son sac et l'immobilité de sa personne que le voisin qui savait qu'il était là ne pouvait pas même le distinguer. Un quart d'heure se passa ainsi, dans l'attente de l'ours. Enfin, un rugissement prolongé l'annonça. 5 minutes après, François l'aperçut. Mais soit par ruse, soit qu'il eût éventé le second chasseur, il ne suivait pas sa route habituelle. Il avait au contraire décrit un circuit. Et au lieu d'arriver à la gauche de Guillaume, comme il avait fait la veille, cette fois il passait à sa droite, hors de la portée de l'arme de François, mais à 10 pas, tout au plus, du bout de fusil de Guillaume. Guillaume ne bougea pas. On aurait pu croire qu'il ne voyait pas même la bête sauvage qu'il était venu guetter et qui semblait le braver en passant si près de lui. L'ours, qui avait le vent mauvais, parut de son côté ignorer la présence d'un ennemi et continua lestement son chemin vers l'arbre. Mais au moment où, se dressant sur ses pattes de derrière, il embrassa le tronc de ses pattes de devant, présentant à découvert sa poitrine que ses épaisses épaules ne protégeaient plus, un sillon rapide de lumière brilla tout à coup contre le rocher, et la vallée entière retentit du coup de fusil chargé à double charge et du rugissement que poussa l'animal mortellement blessé. Il n'y eut peut-être pas une seule personne dans tout le village qui n'entendit le coup de fusil de Guillaume et le rugissement de l'ours. L'ours s'enfuit, repassant sans l'apercevoir, à 10 pas de Guillaume, qui avait rentré ses bras et sa tête dans son sac et qui se confondait de nouveau avec le rocher. Le voisin regardait cette scène, appuyé sur ses genoux et sur sa main gauche, serrant sa carabine de la main droite, pâle et retenant son haleine. Pourtant, c'est un crâne chasseur. Eh bien, il m'a avoué que dans ce moment-là, il aurait autant aimé être dans son lit qu'à l'affût. Ce fut bien pis quand il vit l'ours blessé, après avoir fait un circuit, chercher à reprendre sa trace de la veille qui le conduisait droit à lui. Il fit un signe de croix, car ils sont pieux, nos chasseurs, recommanda son âme à Dieu et s'assura que sa carabine était armée. L'ours n'était plus qu'à 50 pas de lui, rugissant de douleur, s'arrêtant pour se rouler et se mordre le flanc à l'endroit de sa blessure, puis reprenant sa course. Il approchait toujours. Il n'était plus qu'à 30 pas, 2 secondes encore, et il venait se heurter contre le canon de la carabine du voisin lorsqu'il s'arrêta tout à coup, aspira bruyamment le vent qui venait du côté du village, poussa un rugissement terrible et rentra dans le verger. « Prends garde à toi, Guillaume, prends garde !» s'écria François en s'élançant à la poursuite de l'ours et oubliant tout pour ne penser qu'à son ami. Car il vit bien que si Guillaume n'avait pas eu le temps de recharger son fusil, il était perdu. L'ours l'avait éventé. Il n'avait pas fait 10 pas, qu'il entendit un cri. Celui-là, c'était un cri humain, un cri de terreur et d'agonie tout à la fois. Un cri dans lequel celui qui le poussait avait rassemblé toutes les forces de sa poitrine, toutes ses prières à Dieu, toutes ses demandes de secours aux hommes. « À moi !» Puis rien, pas même une plainte, ne succéda au cri de Guillaume. François ne courait pas, il volait. La pente du terrain précipitait sa course. Au fur et à mesure qu'il approchait, il distinguait plus clairement la monstrueuse bête qui se mouvait dans l'ombre, foulant aux pieds le corps de Guillaume et le déchirant par lambeaux. François était à 4 pas d'eux, et l'ours était si acharné à sa proie qu'il n'avait pas paru l'apercevoir. Il n'osait tirer, de peur de tuer Guillaume s'il n'était pas mort, car il tremblait tellement qu'il n'était plus sûr de son coup. Il ramassa une pierre et la jeta à l'ours. L'animal se retourna furieux contre son nouvel ennemi. Ils étaient si près l'un de l'autre que l'ours se dressa sur ses pattes de derrière pour l'étouffer. François le sentit bourrer avec son poitrail le canon de sa carabine. Machinalement, il appuya le doigt sur la gâchette. Le coup partit. L'ours tomba à la renverse. la balle lui avait traversé la poitrine et brisé la colonne vertébrale. François le laissa se traîner en hurlant sur ses pattes devant et courut à Guillaume. Ce n'était plus un homme, ce n'était plus même un cadavre. C'était des os et de la chair meurtrie. La tête était dévorée presque entièrement. Note. J'affirme que je ne fais point de l'horreur à plaisir et que je n'exagère rien. Il n'y a pas un Valaisan qui ignore la catastrophe que je viens de raconter. Et lorsque nous remontâmes la vallée du Rhône pour gagner la route du Simplon, on nous raconta partout, avec peu de différence dans les détails, cette terrible et récente aventure. Fin de note. Alors, comme il vit au mouvement des lumières qui passaient derrière les croisées, que plusieurs habitants du village étaient réveillés, il appela à plusieurs reprises, désignant l'endroit où il était. Quelques paysans accoururent avec des armes, car ils avaient entendu les cris et les coups de feu. Bientôt, tout le village fut rassemblé dans le verger de Guillaume. Sa femme vint avec les autres. Ce fut une scène horrible. Tous ceux qui étaient là pleuraient comme des enfants. On fit pour elle, dans toute la vallée du Rhône, une quête qui rapporta 700 francs. François lui abandonna sa prime, fit vendre à son profit la peau et la chair de l'ours. Enfin, chacun s'empressa de l'aider et de la secourir. Tous les aubergistes ont même consenti à ouvrir une liste de souscription. Et si monsieur veut y mettre son nom, je le crois bien, donnez vite. Je venais d'écrire mon nom et d'y joindre mon offrande, lorsqu'un gros gaillard blond de moyenne taille entra. C'était le guide qui devait me conduire le lendemain à Chamonix et qui venait me demander l'heure du départ et le mode du voyage. Ma réponse fut aussi courte que précise. À 5h du matin et à pied. Fin de cette partie des impressions de voyage d'Alexandre Dumas, le beefsteak d'ours.